tcha-tcha-tchou-tchou. Dans le petit train de tcha-tcha-tchou-tchou. Pour voyager, ce n'est pas le Pérou. Mais sur ses roues, on est bien tcha-tcha-tchou-tchou. Le conducteur est un musicien qui sert à toute heure. Des mambos, des tcha-tcha à toute vapeur. Et pour nos cœurs, c'est si doux tcha-tcha-tchou-tchou. Pas de gare avant Mexico. Oh, regarde le petit Rio. Quelle fanfare, tous ces perroquets. Ma guitare en a le hoquet. Et tcha-tcha-tchou-tchou. Dans le petit train de tcha-tcha-tchou-tchou. On est heureux, on s'adore, on s'en fout. On fait les fous quand son rythme nous secoue. Le conducteur distribue des pamplemousses et des fleurs. Il nous raconte l'histoire de son cœur quand il était contrebasse à Caracas. On approche, le train ralentit et la cloche stoppe nos folies. Si tu m'aimes, mon petit tcha-tcha-tcha. Si tu m'aimes, oh, embrasse-moi à tcha-tcha-tchou-tchou. Dans ce petit train est né notre amour. On y reviendra souvent faire un tour. Car c'est si doux de s'aimer tcha-tcha-tchou-tchou. Tcha-tcha-tchou-tchou. Dans le petit train de tcha-tcha-tchou-tchou. Tcha-tcha-tchou-tchou. Dans le petit train de tcha-tcha-tchou-tchou.